Chapitre 1. Les demi-frères. Dans un bois, à 10 000 environ de Windsor, deux jeunes gens s'avancent silencieusement, le fusil en arrêt. En avant quête une couple de beaux chiens couchants. En arrière marche un garde revêtu d'une riche livrée et parfaitement équipé. La présence des Espagnols et du garde exclurait toute idée de braconnage, si l'apparence mémo des chasseurs permettait d'entretenir le moindre soupçon à ce sujet. Ce bois n'est qu'une simple remise à faisan appartenant à leur père, le général Harding. Ancien officier de l'armée des Indes, le général, pendant 20 ans de service actif en Orient, a amassé les 200 000 livres sterling nécessaires à l'acquisition d'une propriété dans le plaisant comté de Bute. C'est là qu'il s'est fixé dans l'espoir de se rétablir d'une maladie de foie gagnée dans les plaines brûlantes de l'Hindoustan. Un château en briques rouges, datant du règne d'Élisabeth, et dont on pouvait apercevoir à travers les éclaircies de la futaie se profiler sur l'azur les lignes élégantes, témoignaient du goût raffiné du général. En même temps que 500 acres de parc admirablement boisés, des terres en plein rapport attenant à l'habitation et une demi-douzaine de fermes bien arrentées, prouvaient que le ci-devant soldat ne s'était pas donné le mal de ramasser aux Indes une si grande quantité de lacs de roupies, pour les gaspiller inintelligemment en Angleterre. Les deux chasseurs sont ses fils uniques, par le fait, les seuls membres de sa famille, à l'exception d'une sœur, qui, âgée de 16 ans et peu intéressante d'ailleurs, ne figure que pour mémoire dans le récit. En examinant les jeunes gens, à mesure qu'ils s'avancent dans la réserve à faisan, on voit que si leur taille est à peu près égale, ils se distinguent l'un de l'autre par l'âge et la physionomie. Tous deux ont le teint bronzé, mais d'une nuance différente. L'aîné, répondant au nom de Nigel, a la peau presque olivâtre et des cheveux droits et noirs qui au soleil revêtent des reflets pourpres. Henri le cadet possède une carnation plus fine et plus rosée. Sa chevelure, d'un beau châtain doré, descend sur son cou en boucles ondoyantes. Si différente est leur apparence extérieure qu'un étranger pourrait difficilement s'imaginer qu'ils sont frères. Ils ne le sont pas non plus dans la stricte acception du mot. Tous deux peuvent appeler le général Harding leur père, mais ils doivent le jour à deux femmes différentes, mortes aujourd'hui. La mère de Nigel repose dans un mausolée aux environs de l'antique cité d'Hyderabad. Celle de Henri dans une tombe de date plus récente élevée dans l'enclave d'un cimetière de village en Angleterre. Le général Harding n'est pas le seul homme civil ou militaire qui ait deux fois introduit son cou dans le joug du mariage, bien que peu d'individus aient jamais épousé deux femmes si dissemblables. Physiquement, intellectuellement, moralement, l'hindou d'Hyderabad différait autant de la saxonne qui lui avait succédé que l'Inde diffère de l'Angleterre. Cette différence de tempérament s'est propagée de mère en fils, et il suffit de considérer Nigel et Henri pour s'apercevoir que le sang paternel n'a pas réussi à la détruire. Un incident va justement en donner la preuve. Quoique le bois qu'il fouille soit exclusivement une réserve à faisan, ce n'est plus l'oiseau à l'aile vigoureuse que poursuivent les jeunes chasseurs. Les chiens cherchent un plus petit gibier. Nous sommes au milieu de l'hiver. Une semaine auparavant, les deux frères, coiffés de la cape et revêtus de la robe d'étudiant, parcouraient en péripapéticien les cloîtres du collège d'Oriel à Oxford. En vacances, pour plusieurs jours, ils ne peuvent trouver de plus agréable occupation que de battre les bois du domaine paternel. La gelée qui a durci le sol s'oppose à la grande chasse, mais la bécassine et le coq de bruyère, tous deux oiseaux de passage, se sont abattus dans le voisinage des eaux courantes. C'est sur les bords d'un ruisseau qui, défiant la gelée, murmure à travers les arbres, que les jeunes gens se sont mis en quête. C'est le coq de bruyère qu'ils chassent. La race de leurs chiens, des Espagnols, l'indique suffisamment. Ces chiens, un blanc et un noir, sont de race pure, mais différemment élevés. Le noir tombe en arrêt ferme comme un roc. Le blanc, plus évaporé, court comme un fou. Deux fois déjà, il a lancé l'oiseau sans l'arrêter. Le chien blanc appartient à Nigel, le noir à son demi-frère. Pour la troisième fois, l'Espagnol donne une preuve de son défaut d'éducation en faisant partir un coq avant que son maître puisse le tirer. Le sang d'Hyderabad bouillonne, malgré l'hiver, dans les veines de Nigel. « Ce gredin a besoin d'une leçon, » s'écria-t-il, en déposant son fusil contre un arbre et en tirant son couteau. « C'est ce que tu aurais dû faire depuis longtemps, Doggydick, si tu avais accompli seulement la moitié de ton devoir. »« Mon Dieu, maître Nigel, » répondit le garde auquel s'adressait l'apostrophe, « j'ai fouetté l'animal jusqu'à me démancher les bras. » Mais rien n'y fait, il n'a pas l'instinct de l'arrêt. « Alors je vais le lui donner, » s'écria le jeune anglo-indien, s'avançant, couteau en main, vers l'Espagnol. « Regarde !»« Arrête, Nigel, » dit Henri en s'interposant, « Tu ne veux certainement pas blesser le chien. Que t'importe? Il est à moi et non pas à toi. Il m'importe que tu ne commettes pas un acte de cruauté. Ce n'est pas sa faute à ce pauvre animal. C'est peut-être, comme tu l'as dit, celle de Dick qui l'aura mal dressé. Merci, maître Henri. Dieu obligé du compliment. C'est toujours ma faute, comme de juste. Pourtant, j'ai fait de mon mieux. Bien obligé, maître Henri. Doggy Dick, qui, quoique jeune, n'est ni beau ni bien tourné, accompagna son observation d'un regard témoignant d'une âme encore plus laide que n'était disgracieuse sa physionomie. « Taisez-vous tous deux, vociféra Nigel. Je vais châtier mon chien comme il le mérite, et non pas comme tu sembles le désirer, maître Henri. Il me faut une baguette pour le fouetter. » Ce ne fut pas une baguette qu'il coupa à un arbre, mais un bâton de 3/4 pouces de diamètre. Il en frappa brutalement l'épagnole, dont les hurlements plaintifs remplirent les bois. Henri suppliait en vain son frère de s'arrêter. Nigel frappait toujours. « Allez toujours !» s'écriait le cruel garde. « C'est pour son bien. »« Quant à toi, Dick, je te recommanderai à mon père. » Une exclamation de colère de son demi-frère et un sourd grognement du sauvage, à longue guêtre, fut tout ce que produisit la menace de Henri. Nigel furieux n'en frappa que plus fort. « C'est une honte, Nigel. Tu as assez battu la pauvre bête. Fini !»« Pas avant de lui avoir laissé un souvenir de moi. »« Que vas-tu faire ?» dit anxieusement Henri. En voyant son frère jeter sa baguette et brandir son couteau, « Certainement tu ne veux pas lui fendre l'oreille ? C'est précisément mon intention. »« Tu me fendras la main auparavant, » s'écria le jeune homme, en se jetant à genoux et couvrant de ses deux mains la tête de l'épagnole. « Bas les mains, Henri, le chien m'appartient. J'en puis faire ce que je veux. Bas les mains. »« Non, alors tant pis pour toi. » De la main gauche, Nigel saisit l'oreille de l'animal et frappa de l'autre à point perdu. Le sang jaillit à la face des doux frères et se répandit en flots écarlates sur la robe blanche de l'épagnole. Ce n'était pas le sang du chien de Nigel, mais celui de Henri, dont le petit doigt de la main gauche avait été ouvert de l'articulation à l'ongle. « Cela t'apprendra à te mêler de mes affaires, » s'écria Nigel, sans témoigner le moindre regret de sa sauvagerie. « Une autre fois, tu mettras tes mains dans tes poches. » La brutalité de l'observation fit enfin bouillonner le sang saxon du frère cadet, auquel la douleur de sa blessure avait laissé tout son sang-froid. « Lâche !» s'écria-t-il. « Jette ton couteau et avance. Bien que tu aies 3 ans de plus que moi, je ne te crains pas, et je vais te corriger à mon tour. » Nigel, fou de rage de se voir défié par un enfant, qu'il avait pris l'habitude de corriger à sa guise, laissa tomber son couteau. Et les deux frères entamèrent un duel à coups de poing aussi furieux que si le même sang ne coulait pas dans leurs veines. Comme il a été dit, il n'existait entre les deux frères qu'une légère différence extérieure. Nigel était plus grand, Henri plus solidement charpenté. Dans cette sorte de lutte, les muscles du Saxon avaient une supériorité marquée sur ceux de l'anglo-indien. Au bout de 10 minutes, ce dernier était si rudement étrié que le garde se crut obligé d'intervenir. Il s'en serait bien gardé si Henri avait eu le dessous. Il ne pouvait plus être question de chasse. Enveloppant de son mouchoir sa main blessée, Henri appela son chien et reprit le chemin du château. Nigel, honteux de sa défaite, suivait de loin Doggy Dick à ses côtés et les pagnoles tachées de sang sur leurs talons. Le prompt retour des chasseurs surprit le général Harding. La rivière sera-t-elle prise? Les coqs de bruyère auraient-ils cherché une autre remise? Le mouchoir maculé frappa ses yeux. La blessure de Henri, le visage tuméfié de Nigel, demandaient une explication. Chacun des deux frères présenta la sienne. Naturellement, le garde appuya celle de l'aîné. Mais le vieux soldat sut bien discerner la vérité, et Nigel eut la plus large part dans les reproches qu'il adressa à ses enfants. La journée fut mauvaise pour tous, sauf pour les pagnoles noires. Doggy Dick ne sortit pas sain et sauf de la bagarre. Le général lui ordonna de dépouiller sa livrée et de quitter immédiatement le château en l'invitant à ne plus se présenter sur ses terres, sous peine d'être traité en braconnier.